sociale n'est encore que généalogique, pour la bonne raison qu'elle se concentre sur un secteur qui s'est avéré extrêmement attractif. On le sait bien dans les archives départementales plus qu'ailleurs, la vague du public de généalogistes n'a jamais cessé de monter depuis les années 70, voire les années 60. La gêne causée par ce succès dans nos dépôts d'archives a vite suscité de l'accassement, rappelons-nous. Le public, au profil souvent passionné, limitait ses investigations à une collection de noms d'ancêtres et à l'établissement de filiations. Poids. Les archives devaient-elles donc supporter les contraintes d'un public de prime abord monomaniaque, ne s'intéressant qu'à 1% de la ressource et risquant d'accaparer le personnel au point de le détourner du reste? Question oiseuse. Ce public, nombreux, constant, populaire, toujours en bonne partie venu d'autres circonscriptions administratives, manifestait un rayonnement des archives aussi inespéré qu'imprévu. Le désordre causé par les files d'attente sur les trottoirs à l'entrée des salles de lecture changeait le regard porté sur les archives. Il fallait adapter les archives. Les élus ont été convaincus d'emblée et les moyens n'ont pas manqué. Les archivistes se sont eux-mêmes adaptés, mettant peu à peu au cœur de leurs préoccupations ce public très majoritaire qui leur valait notoriété, visibilité, augmentation éventuelle de budget. La politique culturelle, dans un louable souci de démocratisation, a même cherché à capter son attention. On a soigné ce public, au point parfois de lui donner l'avantage sur tout autre, tellement la constance de ses assauts était gratifiante. Arrive, il y a une quinzaine d'années au plus, l'âge de la numérisation des archives. En une décennie, la plupart des départements français s'y sont engouffrés, aboutissant à une très impressionnante collection nationale d'archives numériques, mais à ce jour très majoritairement destinée à un usage purement généalogique. État civil, recensement de population, registre, matricule militaire. Si l'étroite spécificité de ce choix est contestable, reconnaissons qu'il a sa logique. Il répond aux besoins des généalogistes qui formaient toujours au moins la moitié du public des salles d'archives, souvent les trois quarts, voire plus. Or, le succès des mises en ligne de ces images s'est avéré partout massif. Les sites des archives départementales sont toujours les plus consultés parmi tous ceux ouverts par les conseils généraux. Et ils attirent un public sans commune mesure avec celui que l'on dénombrait pourtant avec satisfaction dans les salles de lecture. On peut légitimement se demander si l'on n'a pas atteint alors dans les archives une sorte de sommet ces toutes dernières années. Mais on finit toujours par redescendre d'un sommet. La marée généalogique a en effet poursuivi sa montée ininterrompue sur Internet, mais elle a tout à coup reflué des salles de lecture, toutes devenues démesurément grandes. Satisfaction ici, désarroi là, et bientôt parfois critique. C'est qu'entre-temps, le public de chercheurs a profondément évolué et quasi disparu. Étudiants, érudits, amateurs éclairés, universitaires, il n'en reste quasi plus par rapport aux décennies précédentes. Le succès du net maquille vaguement le côté palais des courants d'air que donnent certains établissements. L'évidence est telle que le département de sociologie du ministère de la Culture a lancé une enquête. Notre secteur culturel est devenu si marqué par la généalogie au tournant du siècle qu'on peut se demander parfois s'il n'en est pas devenu dépendant. Or, c'est sur un terrain fragilisé qu'intervient la demande de réutilisation des données publiques, c'est-à-dire, plus précisément, des images numériques si prisées. Désormais, le public ne va-t-il pas déserter aussi les sites d'archives? Tout commence en 2005, quand une entreprise approche un premier département. Celui-ci commande alors une étude juridique qui établit les lacunes du droit applicable aux archives, telles que prévues cette année-là par la transposition de la directive européenne. Saisie de la question, l'ancienne direction des Archives de France s'en empare, mais elle l'élargit curieusement à la réutilisation des données culturelles de tout type. Du coup, le sujet est confisqué au ministère, puis confié à la commission Henri Lavollée, qui ne consulte pas suffisamment les archivistes et finit par rendre en 2009 un rapport général, mais absolument inadapté à la question nous concernant. Après 4 ans d'attente et devant l'immobilisme de l'administration, un premier réutilisateur lance en cette année 2009 une demande globale de réutilisation auprès de tous les départements, dont la plupart découvrent alors la réalité du problème. En l'absence de réponse, la même entreprise lance en 2010 une autre demande, mais cette fois impérative. La CADA venait en effet de confirmer son droit et avait même déclaré qu'en l'absence d'un régime de licence proposant des tarifs à la réutilisation, celle-ci était réputée gratuite. Tollé dans la profession, à juste titre. Les départements étant plus concernés que l'État dans l'immédiat, ils reprirent chacun l'étude juridique de la question, tandis que les démarchages de l'entreprise, conduits dans un climat empoisonné, suscitèrent malaise et incompréhension. Une course à la publication de régimes de licence est alors lancée, dans une optique souvent défensive pour ceux qui cherchent à entraver l'activité par des tarifs inabordables, ou dans une optique intéressée, crise économique venant d'éclater et oblige, pour ceux qui en espèrent un profit maximum. Premier recours en justice, première décision formant les étapes d'une jurisprudence qu'enrichiront les appels qui ont suivi. Alors, va-t-on tirer jamais profit de la réutilisation ? La question a fini par aboutir quand on l'a abordée d'un point de vue économique et pas seulement juridique. Si la réutilisation commerciale doit être possible, que peut-elle rapporter dans des conditions qui soient acceptables pour le réutilisateur, mais aussi pour les archives ? En 2010 encore, personne n'en savait rien. Reconnaissons que nous n'en savons pas beaucoup plus aujourd'hui par manque de recul. Quelques départements ont choisi d'adopter une tarification raisonnable, c'est-à-dire à la fois supportable par les réutilisateurs pour qu'ils l'acceptent, mais qui produisent aussi tout de même un revenu appréciable. Dès lors que se dissipe l'illusion d'une réutilisation perçue comme un placement profitable, demeure la réalité d'un retour sur investissement qui ne devrait pas être négligeable pour autant. Le système retenu est en effet proportionnel au profit du réutilisateur, tout en le contraignant à verser une redevance minimale incompressible. Or, une indexation nominative ne se démarque de celle qui existe déjà et qui se multiplie que si elle couvre les sources du plus grand nombre possible de départements français, son intérêt étant largement démultiplié à chaque accroissement. Il lui faut donc atteindre une taille critique importante pour dégager des revenus qui sont alors conséquents. À vrai dire, dans ce débat, les questions ne se cacheraient-elles pas les unes derrière les autres ? Celle du droit empêchant d'aller jusqu'à la réalité économique de la chose, et finalement, cette dernière masquant le véritable enjeu pour les réutilisateurs comme pour les archivistes, c'est-à-dire la définition de leur public, ce que d'aucuns appelleraient leur part de marché. Or, le contexte des premières années des archives sur le net est celui de mutations aussi incertaines que majeures. La légitimité des archives, patiemment acquise tout au long du XXe siècle auprès des administrations, qui ont fini toutes par leur remettre leurs dossiers, pourrait en effet être remise en cause. C'est que la dématérialisation de la production des données publiques avance à pas accélérés, tandis que des incertitudes planent toujours sur l'archivage électronique, dont rien ne dit qu'il sera confié à coup sûr aux archivistes du papier, ni centralisé dans leurs établissements. Ces derniers, menacés de devenir des musées des archives antérieures au XXIe siècle, perdraient-ils en même temps le grand public de leur site Internet ? Ils retourneraient alors assurément à la discrétion qui fut longtemps leur apanage dans l'ombre et la poussière de leur misère vénérable. Cette vision, évidemment insupportable, repose cependant sur l'impression d'un choc frontal produit par la concurrence impitoyable qu'exercerait un secteur marchand qui a ses contraintes, mais qui demeure étranger à la plupart de nos missions. Mais, à trop imaginer l'affrontement, n'est-on pas en train de situer les archives comme tout opérateur commercial ? Or, l'ambition commerciale diffère profondément de la nôtre. Notre grand public ne suffit pas en effet à rentabiliser le pari entrepreneurial qu'elle envisage en y consacrant un investissement considérable. La clientèle potentielle du réutilisateur, estimée au quintuple, voire au décuple du public des archives, est constituée de personnes intéressées par la généalogie, mais sans en avoir la disponibilité, ni forcément la patience nécessaire, ou encore n'ayant pas de goût pour la recherche. Cette clientèle est prête à payer des résultats à tenter d'en obtenir d'autres pour aller au-delà d'un premier horizon formé par les ancêtres les plus proches, avant de passer, pour beaucoup, à autre chose. D'où la valeur commerciale des données les plus récentes, qui parlent aisément à tout le monde, et la baisse progressive de valeur des données au fur et à mesure que croissent leur ancienneté, les difficultés à les lire, à les interpréter, à les situer en tête de lignées généalogiques si étendues qu'elles paraissent invraisemblables ou à tout le moins très étrangères. On ne fera évidemment pas l'injure aux nombreux généalogistes fréquentant les archives de partager ces caractéristiques d'amateurs pressés et vraisemblablement superficiels à leurs yeux. Au contraire, leur assiduité se traduit par des statistiques qui confirment leur véritable profil de chercheur. Il faut en prendre conscience. Nous commençons donc à voir ce qui distingue ces deux publics. Alors, quel profit les archives trouveraient-elles à la réutilisation? Le premier profit découle de la complémentarité des approches comme des publics. Elle s'avère bien plus importante que les éventuels aspects concurrentiels réellement marginaux. La complémentarité crée en effet un climat plus serein, où chaque partie, évoluant dans des champs d'action très différents, peut trouver intérêt aux travaux de l'autre et communiquer à leur sujet sans craindre des fuites de public de l'une à l'autre. Le public des archives ira en effet vite consulter les bases nominatives des réutilisateurs, parce qu'elles proposeront des croisements de données à l'échelle nationale qui n'existent nulle part ailleurs. Mais de leur côté, les réutilisateurs vont faire connaître les archives à l'immense clientèle qu'ils attendent. Et celle-ci comportera bien une proportion de personnes souhaitant passer à une recherche généalogique plus poussée, plus historique, qui dépasse les disponibilités des bases d'indexation. Prévoir leur orientation vers les archives, c'est leur permettre de faire fructifier les éléments déjà recueillis ailleurs. Les archives vont trouver là un moyen de toucher un nouveau public, libre à lui de se montrer intéressé et déterminé à s'engager dans la recherche, c'est-à-dire dans une démarche exigeante, s'appuyant sur beaucoup de ténacité, un vrai goût de l'exploration des sources, une ouverture à la compréhension du passé. Les licences signées depuis l'an dernier présentent de ce point de vue un aspect contractuel qui fait que la remise des images par les archives n'est pas qu'une prestation. Leur publication par les réutilisateurs s'accompagne d'un lien bien visible vers les sites d'archives concernés, par où il est toujours possible d'aller approfondir la recherche dans des sources non traitées par les réutilisateurs. La sérénité retrouvée ouvre cependant encore la voie à d'autres profits. Les réutilisateurs, pour qui la communication est une stratégie vitale afin de conquérir le public et le fidéliser, peuvent trouver leur intérêt dans le relais d'informations venant des archives, si elles présentent des prolongements à leur offre. L'annonce, par exemple, de nouveaux inventaires ou de nouvelles images en ligne, des expositions, virtuelles ou pas, etc. Les réutilisateurs peuvent encore soutenir directement telle activité des archives et manifester ainsi leur présence dans un domaine où ils cherchent à faire reconnaître la singularité de leur apport. En Vendée, par exemple, l'indexation des registres matricules militaires des classes mobilisées pendant la guerre de 14, profite d'une aide substantielle, la remise par le réutilisateur d'un fichier d'indexation des naissances de l'état civil. Il reste à l'enrichir des numéros matricules et de liens vers les vues des images en ligne, mais le coût de l'opération actuellement en cours devrait être au plus du cinquième de ce qu'il aurait été sans cet apport initial. Il y a un second type de profit découlant de l'apparition même des réutilisateurs dans le paysage des archives, au flanc des archives, pourrait-on dire. De fait, ils incitent les archives à conforter la complémentarité avec eux, c'est-à-dire à repréciser leur mission, leur approche du public, la nature même de ce public. Les réutilisateurs ne sont pas les seuls à les y inciter, car de façon plus diffuse, la perte du public habitué de proximité, les changements de pratiques culturelles, l'usage systématique du net par toutes les catégories de la population tendent à marginaliser les archives. Il ne leur suffit donc pas de mettre en ligne les textes des nombreux inventaires d'archives dressés depuis un siècle et demi. Il faut bien souvent accompagner d'images ces inventaires, en adapter l'écriture aux usages de l'interrogation par un moteur de recherche, veiller à leur référencement maximum. C'est alors seulement qu'on peut espérer profiter de l'audience inouïe que le net offre aux travaux des archivistes et toucher un public de plus en plus dispersé. S'y retrouvent tout à coup ceux qui paraissaient s'être évaporés, universitaires, étudiants, érudits, amateurs de toutes sortes. En ce sens, la réutilisation commerciale des données publiques légitime la spécificité des travaux menés aux archives en soulignant, à contrario, ce qu'elle ne peut pas faire ou qu'elle ne sait pas faire elle-même. Du coup, ne disposant plus de public captif, les archives ne doivent pas négliger de conforter leur audience. Et elles peuvent observer comment s'y prennent bien des opérateurs d'INET, y compris les réutilisateurs, et chercher à construire une relation constructive avec le public. Aussi, creuser d'une part la spécificité des archives en veillant à être suffisamment pédagogue pour faciliter l'approche du public, c'est l'inviter à rallier la recherche et à ne pas se contenter des propositions du secteur commercial. Lui offrir d'autre part la possibilité de participer à des travaux collaboratifs, c'est entrer dans le jeu des pratiques culturelles d'aujourd'hui, profiter du dynamisme venu de l'extérieur, conforter enfin un réseau autour des archives qui démultiplie leur propre travail et le mettent en valeur. Les travaux collaboratifs, à côté des publications d'archives en ligne, contribuent en effet à vitaliser les sites Internet et ces derniers vitalisent indéniablement aussi les salles de lecture où reparaît un public plus averti, mieux renseigné, plus exigeant aussi. Est-ce un profit de la réutilisation commerciale ? Ce l'est bien, dans la mesure où la réutilisation commerciale a révélé le risque encouru par les archives d'être en décalage avec les évolutions brutales du public. Elle les provoque ainsi à prendre conscience qu'elles ont à se revendiquer plus que jamais pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des lieux invitants à la recherche. Je conclus. Les circonstances actuelles se prêtent-elles à ces perspectives ? On nous annonce une nouvelle transposition française de la directive européenne qui a évolué depuis 2003. Provoquera-t-elle la tempête qu'a soulevée l'arrivée des premiers réutilisateurs ? Aujourd'hui, les enjeux paraissent mieux connus. Le service public n'est pas remis en cause, sauf en avoir une perception immobile et décalée par rapport à une réalité idéalisée. D'une part, le public a en effet changé, parce que ses pratiques ont profondément changé. Il est clair, d'autre part, que seul le secteur privé a les moyens de faire aboutir dans un temps raisonnable une indexation globale des données généalogiques de base conservées par de nombreux dépôts d'archives. Cependant, le fait qu'il s'adresse à un public en très grande partie différent de celui des archives clarifie les positions réciproques. Elles sont bien plus complémentaires que concurrentes, ce dont on a encore à tirer toutes les conséquences positives, tous les profits possibles. Toutefois, l'apparition d'interlocuteurs susceptibles de s'adresser au public des archives et de paraître compléter leur offre de services oblige de fait les archives à resituer leur rôle de médiateur culturel. La démocratisation indéniable de leur public en un demi-siècle n'aura été sinon qu'une étape passagère de leur histoire, mais rien ne les empêche de mettre à la disposition du public aussi massivement et avec autant de facilité d'autres sources que les principaux fondements de la généalogie. Le savoir-faire des archives a été mis en lumière au cours d'une première étape de la conquête du net. Certes, elle a porté sur les sources les plus faciles à diffuser en ligne, des sources appelées à être indexées d'une manière générale et globale, ce qui n'est rendu possible aujourd'hui que par l'exploitation commerciale qui s'ensuit. Or, celle-ci, cette exploitation commerciale, n'est pas dans les missions des archives. Elle repose du reste sur des techniques d'attraction du public qui demeurent hors de leur portée. Toutefois, cette exploitation commerciale s'arrête là où les données perdent leur commercialité, là où le travail scientifique et pédagogique nécessaire est tel qu'il ne peut véritablement reposer que sur les archives parce qu'il déborde l'intérêt de la grande majorité des clients pressés des réutilisateurs. Une minorité de ces clients va cependant découvrir les sites Internet des archives que les réutilisateurs leur auront fait connaître. Certes, elle s'en échappera aussitôt si elle se sent dépassée. ce que traduit le taux de rebond à l'arrivée d'un site, à l'arrivée sur un site. Tout dépendra de la façon dont cette minorité appréciera le travail scientifique et pédagogique mené aux archives. Se présentera-t-il avec assez de clarté ? Ne lui paraîtra-t-il pas réservé à des spécialistes ? Sera-t-il suffisamment soutenu par tous les artifices de la technique informatique ? Alors, le rôle de médiation culturelle exercé aux archives trouvera toute sa pertinence et touchera pleinement ces nouveaux chercheurs. Ils viendront s'adjoindre à ce public si particulier des archives, constitué de gens de toutes sortes, mus chacun par un sujet d'intérêt qui leur est propre. Ils sont patients de tous horizons, de formations très diverses. Ils savent profiter de ce qu'on met à leur portée. De la réutilisation, on peut donc attendre, comme profit indirect mais essentiel, le maintien aux archives d'un public nombreux si l'on facilite l'élargissement de ces centres d'intérêt. Je vous remercie. Merci beaucoup Thierry pour cet exposé passionné. Je suppose qu'il va susciter de nombreuses réactions. Mais les échanges, on les aura à la fin de la séance et je passe tout de suite la parole à Christine Martinez et à Catherine Younges.